dans une ville où je passais, bien au nord du mois de juillet, sur un grand lac, un lac gelé, un homme en noir qui se glissait. Il avait un drôle d'habit noir qui avait dû faire les grands soirs de l'Autriche et de la Hongrie quand elles étaient réunies. C'était un échassier bizarre qui ne sort pas de ma mémoire. Sur une jambe et jusqu'au soir, il glissait là sur son miroir. Il patinait. Arrivé, il lui a fallu s'arrêter, car les enfants devaient rentrer, le spectacle était terminé. Une belle femme aux cheveux blancs est venue vers lui gentiment, mettre une canne dans sa main et un long manteau sur ses reins. C'était un échassier bizarre, il ne sort pas de ma mémoire. De jambe et jusqu'au soir, il glissait là sur son miroir. Il patinait. Il patinait. Sur une jambe, il patinait. Je passais bien au nord du mois de juillet, sur un grand lac, un lac gelé, un homme en noir boitait, boitait.